Il semblerait que j'ai créé du ressentiment chez des gens qui sont influencés notamment par des choses qui nous viennent d'Amérique du Sud, qui ne sont pas sans rappeler Miguel Serrano, que ses disciples ont enterré en faisant des odes à Lucifer. Aussi des gens qui semblent être sous l'influence de courants et de maîtres, dont Samael Onwehor. C'est pas à vous que je parle. Vous avez pas d'affaires ici. Je vais pas passer ma vie à supprimer des choses. Donc, vous ouvrez vos propres chaînes, puis vous faites vos remontrances sur votre chaîne. Parce que moi, je suis pas un maître, puis j'en ai rien à foutre de vos affaires. Ça m'intéresse, mais absolument pas. Pourquoi? Parce que ça a été régurgité il y a un bout de temps. Donc, les gens qui sont sous l'influence de certains courants, qui nous viennent de Colombie ou du Chili, puis ça a passé par l'Europe, puis finalement, on dirait que plus on va vers la fin, plus ça devient populaire, ces affaires-là. Moi, ces histoires-là, je considère que ça ne me concerne pas. Ce n'est pas à vous que je parle. Donc, vous allez vous retrouver entre vous autres, avec votre chère et précieuse connaissance, puis nous crisser la paix. Puis j'ose espérer que c'est clair, parce que on n'est pas du tout dans le même registre. Donc, merci, bonne journée.